Quelques aiguillages plus tard, je vois mes sourcils froncés. À chaque kilomètre, j'ai ramassé que des mauvaises pensées. Tous les wagons sont pleins, rien n'est plus pareil. Première gare desservie, je ralentis. 4 minutes d'arrêt. Un brouillard épais qui remplit la gare. Je descends griller une sèche, en théorie, je dois pas. La migraine prend mon crâne, j'ai fini la boîte d'actif aide. Le quai est vide, enfin je crois, je vois pas à 10 mètres. Si je pouvais changer ce train de vie avec des scies, et puis je vois une tache grise, une silhouette qui me fait des signes. Étrange, ça se rapproche, un air familier, une connaissance très proche mais sans l'amitié. Il découvre son visage, reconnaît ce sourire narquois. C'est Ivan, un mec bizarre, un fou qui me lâche pas. Je l'ai rencontré en formation, c'était il y a 6 ans. Incident, fond de la classe, c'était un accident. Petit à petit on a fait connaissance, il est bavard, c'est le hasard. Mais dès le départ je sens qu'il est pas stable. Il pense mal sur tout le monde, il veut pas qu'on parle aux collègues. Mental obsolète, il veut tout le temps qu'on parte au soleil. Avare, c'est sur son truc, c'est pas le téléthon, c'est d'art. Je sais pas comment faire pour couper les ponts. Je lui fais un signe timide, à peine je lève la main. Intérieurement je prie pour qu'il prenne pas ce train. On échange quelques mots, l'ambiance s'y prête. Je remonte dans ma cabine, je me retourne, je vois qu'il me suit de près. Je laisse monter sans calculer ses phrases à rallonge. Je remets mon train en marche, rien qui part, le trajet sera long. Est-ce qu'on quitte ce temps pluvieux? Est-ce que t'as réfléchi? Ton entêtement aurait-il fléchi étant plus vieux? Ça commence à être long comme le trajet de l'Orient Express. Tu t'orientes exprès vers ta propre amertume face au manque d'espèces. Ton masque cache une autre peur. Tu crois que je te parle de cash plutôt du bonheur? Eh, c'est pas de ma faute si j'ai pas eu le bon oeil. T'oublie les opportunités. Moi j'ai pas besoin d'une paye de footballeur. Ok, mais t'es ruiné. C'est un peu sec ces derniers temps, mais attends, attends, tu veux quoi en fait? Marre de te voir le moral en berne, je pars en guerre contre les idées noires que t'as en tête. Tu parles trop. Du calme gros, qu'est-ce t'es bon à diriger à part un train, par le métro. Les bons moments, tu ne les vis qu'à travers la fenêtre arrière. Tu faisais du son, t'as bégayé quand fallait faire carrière. Toute relation devient tendue, combien de liens fendus. T'as respecté les règles, la société t'a rien rendu. Tu vires dément à conduire des gens qui eux vivent vraiment. Vois tes maux de tête devenir fréquents. Il serait temps de s'exfiltrer de cette vie d'errance. Esquiver discrètement avant de respirer à une vitesse lente. Tu forces sur la tise pour tenir, dealer avec tes traumatismes. Tu peux toujours me fuir, mais viens, on fait nos valises. Je me devais de tout te dire, ta routine te démoralise, t'es heureux que dans tes souvenirs. Je perds mon sang-froid, bats les masques. Je l'attrape par le col, j'en ai marre de l'entendre parler mal. Je lui mets une droite, je vois sa tête qui ricoche. Et puis il me regarde la bouche en sang, rien qui rigole. Il monte le feu rouge que je viens de brûler. Erreur d'aiguillage sur le train de devant, on va buter. Les roues font des étincelles, plus rien à faire. J'abandonne, je ferme les yeux, lancé à pleine vitesse. J'attends le choc.